ça siffle un peu. And I want to... Ça siffle un peu. Ah ouais. Moi, ça y est, j'ai du son. Oui. Ok, ouais. Attends, c'est mieux, là. C'est beaucoup mieux, là, non? Beaucoup mieux. Moi, ouais, je t'entends très bien. When you... Ouais. Les copains, vous pouvez baisser. Try and to make music. Oh, oh baby love. Ok, ça non. Ça on va baisser. Yes. Ouais, c'est ma coloc qui regarde un film. Un baby love. Attends, attends, je vais tenter un truc. It's your baby. Colocate. On a combien? Ah ouais, non, on fait pas ça. Oh. La limite, les limites, par qui poser, pourquoi? Just a slave. Watch out. Good place to be. It's here and now. Set them free. You wanna set them. Set them free. Même si l'atmosphère aux alentours en frôlant les pierres et les murs ce soir personne ne dérange que les poètes et les anges. Ce soir, personne. Personne. Et les anges, ce soir, personne ne dérange. Ni les démons, ni les anges, ce soir personne n'interroge. À qui m'aime les dieux, à qui m'aime, ne peuvent donner loi à qui m'aime, les rois ne peuvent donner loi à qui m'aime. Chacun puisse son plaisir écrire. Et des mondes de vie. De l'imagination. une jam session with Wadian. C'est une attrape, c'est une attraction. La grave. C'est un lap-lap. Je te mords. En 1630. Chameurs International Corporation. Yeah.